froide et noire, non plus que mes nuits soient blanches. Je fais toujours des cauchemars, je traîne le lit tous les dimanches. C'est toujours difficile d'en parler, je ne sors plus, ne vois personne. Et je me défile comme un seul homme et je crée des combines pour éviter mes rendez-vous. Ces environs, je me réserve un coin peinard. Dans le dédale de vos horizons, je suis un luciole dans le noir. J'attends tranquille que la nuit descende et je glisse à pas de loup dans les artères désertes des veines de vos villes. Il n'y a plus un char à cette heure-ci, les rues sont désertes à perte de vue. Aussi loin que se perd loin ma vue, se fondent mes illusions perdues. Puis dans la lumière des cafés noirs, je viens brûler mes ailes, parler de ma solitude avec des piliers du comptoir. Je refais le monde. Pas là, de sa douceur agite quand elle est près de moi.